contre-temps, trop longtemps à contre-tour. Tout ça qui calie nous, tout ça qui a fait moi craquer. Nous sommes nous et pourtant, nous qui jouons aux enfants, nous qui fait n'importe quoi. Pour décider, yo, sous la langue, chérie, parfum, y'a donc, voir qu'il y a donc, et les os, yo, vite chanter des yeux, nous, j'ai affamé. L'homme est l'homme, l'amitié, l'homme, suite déclaré. T'as pour l'envers, on dit plein, on doute, peut pas résister, non. Chanson, on tire à l'unisson. Ça qui plus fort que l'amour, qui toujours préserve nous. Non, j'ai demandé moins gravé. Assis pour avoir un secret, on parole, on mélodie qui fait qui plus vrai parti. L'on voit j'en suis comme moi, éveillé tout son son moi. On dit qu'il tellement envie d'étendre aujourd'hui. Tellement envie d'étendre aujourd'hui pour aimer moi, yo.